L'installation. Enfin chez nous. Ça a passé vite finalement. 3 semaines depuis le débarquement à Roissy. C'est un record, tu ne trouves pas? Si, mais les vacances sont finies. Je n'ai pas vu mes filles et je recommence à travailler demain. Surtout, je n'aime pas l'idée de te laisser seule pour assumer le pitchoun et notre installation. Ce n'est pas grave, mon chéri. Tu verras Anaïs la prochaine fois que tu descends à Cannes. Et Daphné va débarquer dans quelques jours pour explorer les possibilités d'études de la capitale. Elle pourra me donner un coup de main. En attendant, j'ai bien assez à faire. Déballer, ranger, nettoyer, tout en m'occupant de Julien et de nos repas. Je ne vais pas m'ennuyer. J'irai au village en le promenant. Je transporterai les courses dans la poussette. J'en profiterai pour aller voir la pédiatre. Bien. Moi, je téléphonerai depuis le bureau à notre voisin conseiller municipal. Qu'il intervienne au plus vite pour faire installer le téléphone. Après tout, c'est une situation d'urgence. Nous avons un malade qui peut partir en crise à tout instant. J'espère pas. Je ne saurais pas comment faire ni où l'emmener. J'ai le vertige, rien que d'y penser. Une chose après l'autre, Mastine. J'essaierai de rentrer tôt et de travailler ici aussi souvent que possible. Ainsi, tu disposeras de la voiture. Au village, tu prospecteras pour une infirmière et un physiothérapeute. Si mes souvenirs sont bons, il y a un centre médical pas très loin. J'ai aussi entendu parler de l'hôpital de Bullion. Ils ont une antenne pédiatrique et c'est à 15 minutes d'ici. Oui, on verra ça. En attendant leur virée chez le marchand de meubles suédois, Faustine commence par installer un semblant de cuisine. Elle possède déjà vaisselle et couvert. Par contre, elle n'ira pas loin avec les 2 casseroles prêtées par Angèle. En revanche, elle est gâtée au niveau des placards intégrés. Non seulement il y en a tout le long de la paroi de leur chambre à coucher, mais également dans les 2 chambres du premier étage. Il manque juste une armoire à pharmacie et une lampe correcte dans chaque salle de bain. Le temps est si beau le jour suivant qu'il invite à la balade. Faustine installe son fils dans le landau et sort au soleil pour un tour exploratoire du quartier avant de descendre au village. Se trompant de direction, elle aboutit à l'opposé du lotissement. Ici, certains terrains sont encore en friche. Faustine remarque un gigantesque buisson couvert de baies pourpres. Curieuse, elle s'en approche et réalise que ce sont des mûres, sa gelée préférée. D'ici fin août, elle pourra commencer la récolte. Remontant la route qui mène au bourg, Faustine marche allègrement sous la voûte des arbres qui bordent le chemin. Les branches agitées par le vent créent un mouvement d'ombre et de lumière. Julien, couché dans son landau, observe, d'abord fasciné, puis extatique. Manifestement, il apprécie. Au village, la jeune maman fait le tour des commerces, puis elle repère la pédiatre dans le centre médical à la sortie de Saint-Rémy. Doctoresse Marine X, un prénom peu courant. Elle sourit intérieurement, entendant déjà Maxime la surnommer « le yoga de la marine ». Faustine se présente à la secrétaire, explique sa situation et prend rendez-vous pour la semaine suivante. Ensuite, elle se renseigne pour un physiothérapeute et une infirmière. Elle a de la chance, ils officient tous dans le même immeuble. Elle en profite pour leur parler de Julien et de ses besoins, établir un calendrier. Au début, ça sera physiothérapie 1 ou 2 fois par semaine, puis on augmentera la fréquence des visites. Heureuse d'avoir terminé ses démarches essentielles, Faustine ramène son fils au bercail. Il s'est endormi depuis un moment, bercé par la suspension du landau. Au retour, elle trouve un mot collé sur sa porte. Sa voisine, Florence, la femme du conseiller municipal supposée accélérer leur procédure d'installation, lui demande de passer la voir dès que possible. Faustine se rend chez elle en milieu d'après-midi. Les 2 femmes font connaissance. Florence est une grande perche à l'élégance classique, tout ce que Faustine n'est pas. Tirée à 4 épingles, mocassins, jupe mi-longue et chemisier impeccable. Très vite, malgré leurs différences de style, elles sympathisent devant une tasse de thé et un cendrier. On se tutoie sans complexe. Flo, qui doit avoir dans les 45 ans, a mis au monde 4 fils, désormais adultes, et une fillette de bientôt 7 ans. Quelle belle famille! Vous devez être très heureux. Oui, je ne me plains pas, même s'il fallait être un peu fou pour avoir remis ça avec 4 garçons adolescents dans la maison à l'époque. Mais j'avais tellement envie d'une fille que j'ai pris le risque et mon mari a suivi. Il est aussi fou que moi. Ça t'a bien réussi, on dirait. À ce propos, justement, je t'ai fait venir pour te dire que j'ai toujours un lit d'enfant au grenier. Si tu n'en as pas encore trouvé, je peux te le prêter. Tu le voudrais? Oh, bonne idée. Oui, je veux bien, merci. Dans ce cas, je vais demander à Charles-Henri, mon cher mari, de te le descendre et de te l'apporter, quand il rentrera en fin d'après-midi. Il s'avère que Florence est une excellente source d'informations. Elle fait savoir à Faustine que le débarras des objets encombrants est prévu pour cette fin de semaine, et enfin lui donne le numéro d'une baby-sitter qui vit en face de chez eux. Comme promis, Charles-Henri passe avec le lit, le monte et le place. Faustine est contente d'avoir de l'aide. Il pèse son poids en fer forgé. Quel monument! Tout de suite, elle installe Julien dedans. Le bébé se montre ravi. Au fait, votre téléphone sera opérationnel dès demain, annonce le charmant voisin. Déjà? C'est vraiment formidable. Je ne sais pas comment vous remercier. J'aurais bien ma petite idée. Pardon? Ouais, la prochaine fois que Florence emmène sa fille à la danse, on pourrait boire un verre tous les deux. Ah, merci pour l'invitation. C'est gentil, je vais réfléchir. Ouais, c'est ça. Réfléchissez. Au revoir. À bientôt, alors. Mais merci encore. À bientôt. Ouf, il est parti sans insister. Faustine est sous le choc. Elle n'aurait jamais cru qu'on essaierait de la draguer, là, dans la chambre de son fils malade. Il y en a qui osent tout, vraiment. Encore une proposition scabreuse qu'elle évitera de raconter à Maxime. Mais en attendant, pauvre Florence. En dépit de ce nouvel aléa, la chambre de bébé se meuble en un temps record. Aspirateur électrique et aérosol sont posés à côté du lit, prêts à servir. Bientôt s'ajouteront une planche avec des tréteaux en guise de table allongée. Julien, que Faustine transporte partout dans son baby relax, déteste rester seul dans une pièce. Il le manifeste bruyamment si sa mère ose l'abandonner 5 minutes pour répondre à l'appel de la nature, par exemple. En outre, il a besoin d'une stimulation constante. Qu'on lui parle ou plutôt qu'on lui réponde, parce que la conversation, c'est lui qui l'alimente. Et avec ça, oser prétendre que les hommes ne sont pas bavards, rigole Faustine in petto. Dans sa chambre, elle a également disposé ses peluches, son mobile, sa boule musicale et le petit téléphone en plastique dont il ne se sépare jamais. Mis à part les rubans qui pendent du mobile, c'est le seul jouet suffisamment léger qu'il arrive à saisir et à tenir. Sa peluche préférée est vraiment originale. Elle représente un crocodile debout, portant une chemise sur laquelle est brodé le motif d'un homme, parodie d'une célèbre marque de polo. En attendant l'achat d'une baignoire adaptée, Faustine partage son bain avec Julien, qui adore jouer dans l'eau comme la plupart des bambins. Cela la conforte d'autant plus dans son désir de l'inscrire à la clinique Bullion, afin qu'il profite de leur piscine et surtout de la proximité d'autres enfants. Sitôt qu'elle disposera de la voiture, elle leur rendra visite. La toute première fois, le cabinet leur envoie une physiothérapeute que Julien n'apprécie pas du tout. Peu habituée à traiter des enfants atteints de ce type de pathologie, elle est un peu maladroite. Constatant ses limites, elle préfère abandonner. Elle sera remplacée par Jean-Luc, un autre collaborateur. Ce dernier sait vraiment s'y prendre. Malabar approchant les 2 mètres, il est d'une douceur incroyable et surtout il fait rire son petit patient en lui chantant des airs entraînants et en lui racontant des blagues. Très vite, une entente chaleureuse s'établit entre Julien et lui. Faustine peut enfin souffler quelques minutes. En outre, les massages et manipulations font un bien fou à son bébé qui dort déjà mieux la nuit. Il ne commence à tousser et à se réveiller qu'à 2 heures du matin. Au bout d'un moment, la jeune femme prend l'habitude de se coucher à 20 heures pour avoir son content de sommeil et être prête à intervenir toutes les 2 heures en moyenne entre 2 et 6 heures. Maxime, lui, a besoin de dormir. Il ne peut pas la remplacer. En ce moment, il est sans arrêt sur la route entre le bureau des Ulysses et les différents endroits où se déroulent les séminaires, afin d'organiser les sessions d'automne avec les directeurs d'hôtel. Le soir des encombrants, le couple fait le tour du lotissement dans une chasse au trésor épique. Ils ont la chance inouïe de trouver non seulement une lampe sur pied, mais aussi des baffles, une platine pour 33 tours qui fonctionne superbement bien après une très légère réparation. Un ingénieur peut se montrer utile dans un ménage. Avec cela, un meuble de bar, deux tables de chevet et plusieurs casseroles et plats en très bon état. Une vraie cour des miracles, ce quartier de Bourges. À la prochaine paye, ils filent chez le marchand de meubles et choisissent le moins cher des canapés en simili-cuir, deux fauteuils, un bureau, une planche et des tréteaux. Par ailleurs, ils font livrer des lits pour la chambre d'amis. Daphné et Angèle vont bientôt arriver, il faudra les accueillir. Maxime a également investi dans du sapin massif pour construire une table de salle à manger, ainsi que deux bancs. Il a toujours adoré travailler le bois. Faustine prend une journée pour faire un tour au marché Saint-Pierre à Paris, comme autrefois lorsqu'ils habitaient rue Blainville. Elle en revient avec des rideaux et les métrages de tissu nécessaires pour fabriquer une literie complète. La machine à coudre d'Angèle tourne à plein régime. Heureusement que Faustine a appris la couture, ça lui sert aujourd'hui. Quand leur téléphone est installé, ils posent un appareil en haut des marches et un en bas dans ce qui sera le bureau. Pour l'instant, il n'y a qu'une planche et des tréteaux, soutenant l'ordinateur compact rapporté de State. Il arrive que celui-ci tombe en panne. Maxime passe alors la moitié de la nuit en communication avec le bureau états-unien pour le dépanner à distance. C'est pas du gâteau. Pour le lancer, il utilise une disquette de 5 pouces et demi sur laquelle est inscrit le programme exécutif. Le boulot s'enregistre sur une autre disquette. De temps en temps, elle se raye et on perd tout le travail effectué. C'est encore sportif l'informatique en 1985. Disque dur, on connaît pas. Sitôt qu'il a bouclé les dossiers en cours, Maxime appelle le scientiste chrétien aux USA. Il parle de tout et de rien, d'après ce que perçoit Faustine. Et tout cela dure une éternité. Au bout de quelques semaines, elle est si épuisée qu'elle insiste pour qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais enfin, les adeptes de la science chrétienne existent dans le monde entier, non? Oui, bien sûr. Je lui ai demandé de m'indiquer quelqu'un dans les environs de Paris. Il doit trouver une adresse et me la donner ce soir ou demain soir. Ouf, il sera temps. En attendant, tu sais, je vois pas une énorme différence sur Julien. Moi non plus. Tu sais, ma chérie, on ira voir cette personne vers laquelle il me dirigera. Et si on n'est pas convaincu, on arrêtera, c'est tout. Il faudra aussi qu'on contacte les myopathes de France. Oui, je vais le faire, sitôt que je serai moins fatiguée. Au fait, j'ai appelé cette institution à Bullion qui prend en charge les enfants handicapés. J'ai rendez-vous avec Julien la semaine prochaine. Parfait. Ils proposent quoi? Ils ont une immense piscine. Les bébés jouent dans l'eau avec un thérapeute. Ils proposent également différentes activités d'éveil et de soins. C'est surtout pour soulager les parents. Mais on verra bien, ça vaut la peine d'essayer, si ça lui apporte un peu de confort et de plaisir.